cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. نواصل القراءة في هذه الرسالة المفيدة تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران للعلامة الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه. قال فصل: ومما ورد النهي عنه أيضا مكاتبة أعداء الله تعالى. ونتجه في هذه الفصول النافعة après avoir montré la gravité de s'allier avec les koufars, de les aimer, de penser qu'ils sont sur la vérité. Rahmatullah alayhi, il a cité des versets du Coran al-Karim, il a cité des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et hadith al-Abwab, il cite des fusul, des chapitres, pour montrer les choses qui poussent à les aimer. Si on ne fait pas attention à certaines choses, si on les fait avec les koufars, ça peut nous pousser à les aimer. Ou à leur donner de l'importance alors qu'ils ne méritent pas. Ou de penser qu'ils sont à la haqq. Falihada, dans notre din, toutes les portes elles ont été fermées. Toutes les portes qui peuvent mener à les aimer, ou à les élever, ou à penser qu'ils sont sur la vérité, elles ont été fermées. C'est pour ça qu'on ne leur passe pas le salam en premier. C'est pour ça que si on est sur le chemin, on ne s'écarte pas. C'est eux qui s'écartent. C'est pour ça que on fait tout pour ne pas habiter avec eux. C'est pour ça qu'on ne les prend pas pour amis. Tout ça pour fermer هذه الابواب. لان كما تقدم معنا المرء على الدين خليله فلينظر فتامل قوله عليه الصلاه والسلام فلينظر اي fait attention, regarde qui tu prends comme ami. لماذا؟ لان cet ami tu auras la même religion que lui. Ça ne veut pas dire que celui qui est un ami kafir c'est un kafir. Là, لكن ça peut le pousser à هذا. Mais si il a un ami kafir et tu lui demandes, il te dit, je sais que c'est un kafir, mais il l'a pris comme un ami, les madal, les naoum, ils sont liés à une chose, mathalan, ils ont la même passion, iyadam billah, le sport ou autre. C'est une ma'siya, lakin, cette amitié, iyadam billah, peut-être qu'un jour, il peut choisir la voie de son ami. Son ami doute et un jour il dit, il prend les mêmes avis que lui, iyadam billah, wa yakfur. C'est pour ça que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a fermé toutes les portes. والصاحب ساحب كما يقولون الصاحب ساحب الصاحب سلامي الساحب يسحبك il t'attire, il peut te tirer. Si c'est un ami qui est à la khair, il va te tirer vers le bien. Celui qui fréquente l'ulama, talabat al-ilm, même s'il a des faiblesses, lakin il fréquente des gens purs, beaucoup de choses il les évitera. لماذا؟ لأنه il est en compagnie de هؤلاء. Et celui qui fréquente des ashrar, من باب أولى des kuffar, هذا الكافر يقدر يطيره يقدر يمنعه في مذهب في طريقه. عمران بن حطان من رواة الحديث il a voulu se marier avec une femme et cette femme elle faisait partie des khawarij عياذا بالله. Et il s'est marié avec elle et son intention au départ c'était de la ramener vers la sunna et c'est elle qui l'a attiré vers madhhab al-khawarij. Et c'est devenu min ru'us al-khawarij. Limada, li'anna quand tu côtoies une personne, et encore plus grave si c'est la femme, ou l'homme pour la femme, un couple. Fala shakana al-insan, il est à la khatar. Il est à la khatar s'il ne fait pas attention. Et هذا الفصل رحمه الله إلى ست مما ورد النهي عن مكاتبة أعداء الله تعالى وتكنيتهم بكون المسلمين كأبي عبد الله وأبي القاسم وكذلك تلقيبهم بألقاب المسلمين كعز الدين ونحوه. دونك دو مسألة مكاتبة أعداء الله ما يتعلق بتكنيتهم بكون المسلمين. أما avant de lire la suite pour détaillé qalilan amma qawluhu wa kadhalik talqibihim ka alqab almuslimin ka izzuddin ila akhirih. La shak anna donner des noms de muslims aux kuffar ou des alqab qui sont réservés aux muslimin fa hada la yajuz. Limadha? Li'annahum méritent pas, c'est des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et hadhi alqab fiha shay min almadh ila akhirih, fa li donner un kafir hada la yajuz, c'est pas permis dans notre din. Et هذا المثال qu'il a cité, كعز الدين إلى آخره, حتى في المسلم, هذا c'est مكروه, il faut éviter. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كما في النور على الدرب عن حكم التسمية بهذه الأسماء شمس الدين ومحي الدين وقمر الدين ونور الدين وعز الدين. Tous ces noms, c'est des أسماء مضافة. قمر الدين مضاف مضاف إليه. أي هذه الأسماء أضيفت إلى الدين ففيها نوع من التزكية. شمس الدين أي tu peux traduire le soleil de la religion, c'est une tazkiya azima. نور الدين la lumière, أي c'est la lumière de la religion, ففيها تزكية عظيمة. والله سبحانه وتعالى قال فلا تزكوا أنفسكم. Ça c'est une tazkiya. Ce père qui a cet enfant, il va l'appeler نور الدين ou شمس الدين. Allah aime cet enfant, il va être bénéfique pour la religion. Amla. فلهذا قال شيخ العثيمين رحمة الله عليه هذه الأسماء كلها حادثة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. Sinon ils n'étaient pas connus. Tu ne trouveras pas de Shams al-Din, Qamar al-Din ila akhiri à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, ni des compagnons. Ça c'est des noms qui sont venus après. وبعض العلماء, ils ont démontré أن بعض الناس c'était des égarés ila akhiri, ils se sont donné ces noms, ces surnoms pour pouvoir attirer les autres. Il y en a بعض العوام quand ils entendent شمس الدين قمر الدين إلى آخره يظنون أن هذا الإنسان إلى خير. أما نحن لا pas besoin de هذا. بل vous avez remarqué que أفضل الأسماء أسماء الأسماء المعبدة لله عبد الله وعبد الرحمن. Et tu es un serviteur d'Allah. Ça montre la modestie, ça montre la soumission. أما الأسماء التي فيها تزكية il faut éviter. كذلك pour les filles إيمان. C'est pour ça que ces noms tu ne les trouves pas عند الصحابة رضي الله عنهم. Et comme من الناس, et ça c'est un tambih tayyib, أن كثيرا من الناس, quand ils ont un enfant, ils cherchent un nom original, rare, que personne n'a. Et كثير من هؤلاء, ils tombent في المحذور. Et ils tombent في المخالفة. Donc des années après, ils se rendent compte que l'ism, il n'est pas bien. Oh, il faut le changer. حقيقة, on n'a pas besoin de هذا, نحن, l'originalité, la rareté. Ben, on a besoin de الاقتداء. Fait comme les salaf, ils ont fait. Aïcha, Khadija, Fatima, pour les femmes, pour les hommes, Muhammad, Abdullah, Omar, عثمان علي توسين طيبة. أما البعض ils ont voulu l'originalité ووقعوا فيه فيما وقعوا فيه. Et parmi ces noms فهذه الأسماء. Ça nous montre أن حتى le fait de donner un prénom, un nom à ton enfant, il faut du علم. وبعض العلماء جمعوا des أسماء طيبة. Et celui qui fait un effort minime, il trouvera un nom طيب. Et l'essentiel c'est l'éducation de cet enfant. Lui donner un nom c'est très très simple. Tu peux l'appeler قمر الدين. Et si tu ne fais pas d'effort, ça sera en rien un nour pour Din ou un iz pour Din. Ben, Obama, ça sera un poids, un boulet pour ses frères musulmans. Tout ça, c'est at-tarbiya. Mais les noms seuls, donne-lui un nom mutawadi, essaye d'appliquer sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donner des noms de prophètes, de messagers, des noms de compagnons, et fais des efforts fait at-tarbiya. Nous, on vit à une époque, là, hein? Bardoum, ils cherchent l'originalité dans les prénoms, il a agréé. Bardoum, ils donnent des noms autre que les noms qui sont connus dans la langue arabe. Thumma, quelques années après, ils apprennent le sens il est très mauvais. Et après, ils sont obligés de changer. Thumma, quand ils ont donné ce prénom, aucune inaya pour l'enfant. L'enfant, il est placé à l'école chez les koufars, à la cantine, à la crèche, et il grandit, il est très très loin du dîn. C'est pas comme ça. Le nom, c'est très très simple. Tu peux donner le nom que tu veux, tant qu'il est mashrou', bien sûr. Lakin, l'essentiel, c'est at-tarbiya. L'essentiel, c'est faire des efforts, fille. Comment apprendre à cet enfant et tu le préserves des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala bi'idnillahi azza wa jal. ثم قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى وقد تصدق على من تسمى به وقد لا تصدق. صحيح, tu peux l'appeler نور الدين et puis c'est un مجرم. Ça va lui servir à quoi? C'est pour ça que via نوع من التزكية, التزكية c'est pas bon. التزكية c'est le fait de se vanter et on n'a pas le droit في الإسلام. قال فالذي أرى العدول عن هذه الألقاب كما أن فيها مفسدة أخرى وهي أن الملقب بها قد يزهو بنفسه ويعجب بها. صحيح أن cet enfant qui est appelé avec هذا الاسم ربما il va grandir et peut-être de l'orgueil elle va rentrer dans son cœur à cause de هذا الاسم. Il a un اسم qui a une valeur, il a un اسم qui a un haut rang ربما que lui-même il n'a pas atteint et ça lui fait du mal. On n'a pas besoin de هذه الاسم. أقل شيء c'est que c'est مكروه, c'est détestable et il faut s'écarter de هذا. On n'a pas besoin de مثل هذه الأسماء والله المستعان. ثم قال, on revient à la parole de Cheikh Hamoud رحمه الله, وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده أن عمر رضي الله عنه كتب أن لا تكاتبوا أهل الذمة. تقدم معنا أهل الذمة سيلي كفار كي فيفا بك المسلمين كي دواف بي الجزية. قال فتجري بينكم وبينهم المودة. تأملوا هذا الأثر، لا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة. قوله فتجري بينكم وبينهم المودة، ça c'est علة التحريم. Pourquoi on ne doit pas faire ces choses? Ça c'est valable pour le salam, c'est valable pour les fréquentations, c'est valable pour s'habiter, pour habiter avec eux. Hatta, il n'y a pas de l'amour entre nous et eux. Celui qui habite avec le mouchriki, avec le kuffar, et il les côtoie jour après jour, au travail, dans la rue, ses voisins, ses découvreurs, probablement un jour il va aimer certains d'entre eux. Khasatan si ils ont un bon comportement et ils font certaines choses, probablement il khatar bihim. Le jour où un tas tu viens, tu lui dis, ya akhi, c'est des kuffars, peut-être que ça va le toucher dans son cœur, comme si tu avais dit une mauvaise chose. Elle est là la gravité. Là, il faut fermer la porte. Hatta al-mukataba, le fait de leur écrire, probablement tu lui écris, il te répond, et il y a de la mawadda. Et ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est une musib. Bad al-muslimin, il parle avec des juifs, avec des chrétiens, avec al-rawafid, avec soufia, avec tout le monde. On a une époque, al-khouf min Allah, il est qalil. Et هذه المعاني مجهولة عند كثير من الناس. بل بعضهم clairement il te dit je suis libre. On est à une autre époque et il faut dialoguer, il faut s'ouvrir au monde. Ce juif ou ce chrétien dans les réseaux sociaux, il lui cite une chouba, ربما يكفر. ربما il a des doutes et il délaisse son dîn. Pourquoi? لأن مثل هذا c'est pas appliqué. عمر رضي الله عنه il a fermé les portes. أن لا تكاتبوا أهل الذمة. Vous leur écrivez pas. Vous n'avez pas besoin de lien avec eux. Non, tu ne lui fais pas d'injustice et tu appliques le bon comportement comme attaqaddam ma'ana. Amma al-mukataba, ouvrir les portes, les mains, il y en a al-mukataba, toi tu vas dire des choses, ouais il va dire des choses. Hatta al-mukataba, si c'est pour da'wa et tu n'as pas de ilm et tu as peur des choubas et toi tu écris, lui écris, délaisse. Tu veux qu'il soit guidé, c'est pas entre tes mains. Tu veux être une cause, fais du'a. Demande à Allah qu'il le guide. Amma anta, tu vas lui citer des preuves, ouais il va te citer ses preuves, batila. Peut-être une chose. Elle va rentrer dans ton cœur, tu t'égardes. Il y a une époque, c'est une musiba, ces réseaux sociaux. À l'époque, l'insan, il était protégé chez Anma. Maintenant, dans ta ville, tu étais confronté aux gens, dans la rue, au travail. Tu arrivais à fermer les portes, hona et hona. S'il y a des mubtadi'a, tu décartes d'eux. Les koufars, tu fermes tes oreilles. Alhamdulillah, il y a chez Min al-Muhafada. À notre époque, chez lui, il a les réseaux sociaux. Ka'annahu, il est en compagnie d'aïman des gens. Tu trouves Abdel Nas, il parle avec le Mubtadi'a, avec le Kuffar, avec le Malahid, avec tout le monde. Comment ils ont des doutes, c'est normal. C'est normal, la porte n'a pas été fermée. Hatta fi bab al-da'wa, celui qui n'a pas d'ilm et qui a peur des choubas, yatruk hada. Tu n'as pas besoin de al-murasala ou al-mukataba avec Ahl al-bid'a ou al-kuffar. Qala, wala tukannuhum, ay min al-kunya, wa adhalluhum, wala tudlimuhum. وفي الشروط التي التزم بها أهل الذمة بعض هذه الآثار فيها ضعف certains de ces آثار qu'on lit ensemble فيها ضعف. قال من حيث الإسناد وإلا فسي شروط معروفة عند عمر أو عن عمر رضي الله عنه. قال وفي الشروط التي التزم بها أهل الذمة ومضاها عليهم عمر رضي الله عنه فمن بعده أنهم لا يكتنون بكناء المسلمين. نعم. On n'a pas le droit de leur donner une kunya de muslim. Un kafir, matalan, l'appeler Abu Abdullah ou Abu Umar ou Abu Uthman. La yajouz. La yajouz. On n'a pas besoin de les appeler par leur kunya. Naam. Bikuna al-muslimin. Amma s'il a une kunya lui khassa, et il est connu par cette kunya, on l'appelle. Amma une kunya min kuna al-muslimin, fahada la. Al-kunya c'est Abu Fulan ou Fulan plutôt pour les femmes. قال وقد تقدم قريبا حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصافح المشركون أو يكنوا ويرحب بهم رواه أبو نعيم في الحلية. وهذا تقدم معنا المصافحة le fait de leur serrer la main, on l'a vu ensemble dans un dars précédent, et al-kunya on vient de le voir الآن. قال فصل ولا يجوز مدح أعداء الله تعالى لما رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مدح أو إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز لذلك العرش. هذا الحديث لشديد الضعف كما في الحاشية. قال الشيخ الألباني في الضعيفة منكر. نعم واهتز لذلك العرش الله أعلم بذلك. أما لا شك أن مدح الفاسق فأنا بالضوء. Pourquoi المدح c'est le fait de le complimenter. Pourquoi complimenter un فاسق من باب أولى أن كافر. بل تقدم معنا on doit les détester, on ne doit pas leur donner de l'importance إلى آخر. قال فصلا ولا يجوز وصف أعداء الله تعالى بصفات الإجلال والتعظيم كالسيد والعبقري والسامي ونحو ذلك لما رواه أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيدنا فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه الحاكم في مستدركه وصححه أي الحاكم ورواه البيهقي في جعاب الإيمان بنحوه. وفي الحاشية أفاد أن الحديث الذي الصحيحة الشيخ الألباني لا صحح لا rendu authentique. لا تقول للمنافق سيدنا أو سيدنا. السيد سي لقب عظيم. سيد القوم سي أفضلهم. نعم سيد الأنصار. Le prophète sallam il a démontré que c'était Sa'd ibn Mu'ad. C'est ça Sayyid, c'est celui qui a un rang élevé fi qawm. Fait que le muslim il dit Sayyid à un kafir, fahada c'est élevé ce kafir à une place que Allah il lui a pas donné. Al kafir il est zalil. Al kafir il mérite pas qu'on lui dise Sayyid. Ils traduisent en français par maître. فقوله ولا يجوز وصف أعداء الله تعالى بصفة الإجلال que ce soit Sayyid ou Al-Abqari ou autre. هذا لا يجوز. S'il a un nom, il est connu par ce nom, il y a une haja, on l'appelle par son prénom, son nom, comme tout le monde. Amma al-alqab, comme ils font Ba'd al-Juhal. Anahom, ils donnent des alqab à certains sportifs, certains acteurs, ou autres. Et c'est des kafara, c'est des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada, on n'a pas le droit de faire l'islam, abadan. قال ولفظ الحاكم إذا قال الرجل المنافق يا سيد فقد أغضب ربه تعالى ولفظ البيهقي وإذا قال الرجل المنافق يا سيد فقد باء بغضب ربه عز وجل. نعم توسع حديث الشيخ الألباني رحمه الله لذا حسن الصحاح الصحيحة المعنى لأليه ثابتة. قال الطيبي ومولانا داخل في هذا الوعيد. مولانا سأغسهم لسيدنا بل أشد وكذا قوله أستاذي. انظر حتى أستاذي الأستاذ c'est le professeur la chèque qui va avoir un rang par rapport aux autres إلى آخره. فحتى هذا بعض العلماء قالوا لا لماذا لأن سأوفر un باب أن هذا المسلم يعظم هذا الكافر يبقى لدوني de l'importance ربما يبقى un lien qui va se tisser محبة. Alors que Allah Azza wa Jalla قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله. On n'a pas le droit. Tous les alqab, tous les noms, les surnoms, les qualificatifs, les adjectifs, appelle cela comme tu veux, ou qui a shaymina at-ta'zim ou rif'a, le fait de les élever, leur donner de l'importance, لا يجوز. C'est ça l'asl. وللأسف في حق الأولاد c'est très très dangereux. الأولاد في بلاد الكفر tous les élèves خاصة à la maternelle, l'école primaire, ils appellent leur professeur maître ou maîtresse. وهذا فيه من التعظيم ما الله سبحانه وتعالى به عليم. Dans le cœur de l'enfant, l'enfant il donne beaucoup d'importance à هذا. C'est pour ça qu'il n'y a que son professeur qui l'appelle maître. Et pour lui, vu à l'école c'est normal, le système il est fait comme ça, il doit obéir à ce professeur. Quand il leur dit levez-vous, ils se lèvent. Quand il leur dit sortez, ils sortent. Et c'est pour ça que tu trouves un respect. Cet enfant, il a beaucoup de respect envers ce professeur. Et l'enfant, miskin, sorry, il ne sait pas différencier entre respect, amour. Là, pour lui, cet homme ou cette femme, ils ont de l'importance. Et là, c'est très très grave si ce professeur s'incafre. Rajoute à cela, avant taqaddam ma'ana ou sayati, avant sayati, on ne l'a pas encore vu, quand il rentre, il faut se lever. Ça c'est من التعظيم بل ما تقدم معنا هذا لا سيأتي إن شاء الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك Quand il rentre, on se lève. Si un élève y rentre, personne ne se lève. Si le professeur y rentre, les élèves doivent se lever. Qu'est-ce qu'il va comprendre cet enfant? Il va comprendre, Hada, il n'est pas comme les autres. Hada, il a un rang. Hata, son père, quand il rentre, il ne se lève pas. On doit faire attention. On doit faire attention. Le mot maître, pour certains, c'est quelque chose de... Ils vont te dire, c'est rien, c'est à l'école, tout le monde le dit, c'est un enfant. تأمل كلام أهل العلم تأمل بلتو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيدنا et là chaque al-kafir c'est le même حكم t'as pas le droit هذا c'est من أبرار il y aurait que ce méfait pour l'école que ce méfait لا يجوز que tu mettes ton enfant عند هؤلاء il y aurait que ça si tu rajoutes tout le reste on a déjà cité ensemble كثيرا نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية والهداية للجميع. Cet enfant que tu aimes tant, préserve-le. Tu ne vas pas le préserver qu'en lui achetant des vêtements, qu'en le nettoyant. Il doit se brosser les dents, il doit... C'est, ça, c'est sale, ça. Il a un problème aux dents, l'amri, il est sale. Préserve-le avec hada. Tu trouves le ba'd. On a déjà cité ce mithal. C'est un mithal haqiqi. Et il est waqi. Tu le trouves le matin, il laisse pas son enfant s'il ne sait pas brosser les dents. Qu'un an aussi, il ne se brosse pas les dents, madri, qu'est-ce qui va se passer? Alors que c'est bien, on encourage, c'est bien de se brosser les dents, il a akhiré. Lakin, tu es strict pour qu'il se brosse les dents. Thumma, tu l'emmènes inda adouillah pendant 8 heures. Il doit se lever, il doit dire maître et Allahu a'lam. Ça c'était à l'époque ce qu'on raconte, nahnou. Mais il y a beaucoup de choses, on ne suit plus l'un, Allahu a'lam. Qu'est-ce qui se dit vraiment et tout ce qu'il y a dans le programme. Enfin, c'est pas min al-hikma. C'est pas min al-hikma. Ba'dhum, il faut que... Il ne faut pas qu'une tache elle soit sur le vêtement de l'enfant, alors que c'est un enfant. Il se salit seul, c'est un enfant, il va se laver, alhamdulillah. Ce n'est pas un problème, hada. Et tu les trouves, les taches dans le cœur. عند الكفار, il doit dire maître, il doit se lever. Et comme min masa'ib, عندهم, ils n'en parlent pas. Les malades, vous avez remarqué, c'est quoi? C'est l'apparence. Il faut faire attention à ses dents, les malades, il y en a, c'est l'apparence. Le père ou la mère, ils n'acceptent pas que leurs enfants, il a pas des dents propres devant les gens. Le cœur de cet enfant, comme tu prends soin de ses dents et tu veux qu'il ait les dents propres, fais attention les taches dans le cœur, Rubbama, toute sa vie ça va lui nuire. Il va avoir un lien avec ce professeur, des amis. Je ne pense pas que ceux qui envoient leurs enfants à l'école des Koufars, ils vont dire à leur enfant, tu fais le hajra à tout le monde et tu n'as pas d'amis, c'est pas possible. Alors, même si tu lui dis, l'enfant il ne sait pas, il va jouer avec tout le monde. Oh, mais ils vont dire, c'est un enfant, c'est un enfant. C'est pas grave pour vous au départ. Là, qu'il va grandir comme ça. Quand est-ce que tu vas lui mettre la limite qu'il faut plus qu'il ait d'amis de koufar? La maternelle, ça va être comme ça, tu peux rien faire. L'école primaire, ça sera comme ça, tu pourras rien faire. Collège, lycée, tu pourras rien faire. Au lycée et même au collège, al-malak yaktub, il est pubère, khalas. Comment tu, à ce moment, tu vas lui dire, n'est plus d'amis. Ça se trouve, l'élève, il le connaît depuis la maternelle et ils sont ensemble au lycée. Comment tu vas faire? Demain, un jour, le mariage, Rubbama. S'il se marie, pardon, il ne se marie plus. Il emmène cette femme, iyadun billah, al-ma'asi, devant ses parents. Demain, il grandit, Allah. Il va travailler, il va finir à telle place, peut-être qu'il aura une place. Son din, il est où? Il n'entend jamais la dame et toutes ses masa'ib. On qadar, il est en bonne santé, il a des belles dents, il a akhiré. Son cœur, aynahu. C'est qui le responsable? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé, il y en a celui qui trahit sa ra'iyya, c'est les personnes dont il est responsable. Maintenant, les parents, ils sont responsables des enfants. Lam yarih ra'ihat al-jannah. Il ne sentira pas l'odeur de l'jannah. Et ce qu'on vient de citer, c'est une trahison azim. Cet enfant, il ne sait pas. Cet enfant, tu le prends, tu le mets inda al-muslimin, alhamdulillah. Il ne va jamais te dire, là, j'ai envie d'aller inda al-kuffar. Où qu'il se met, où l'enfant, il s'adapte. Et avec cet exemple, tu auras appliqué ta responsabilité. قال رحمه الله وقد قلت المبالاه بشأن هذا الحديث الشريف حتى صار إطلاق اسم السيد ونحوه على كبراء الكفار والمنافقين مألوفا عند كثير من المسلمين في هذه الأزمان. صحيح. سيد. بعضهم يقول السيد. Ça peut être un rafidi, ça peut être un nasrani, ça peut être un yahudi. Et ils disent as-sayyid. Tu t'attends à quelqu'un qui a un rang fait l'ilm, quelqu'un qui a un rang fait l'iman, quelqu'un. Et tu le trouves, c'est min adhallin nas. Qala wa mithla as-sayyid al-mister باللغة الإنفرنجية أي مستر en langue anglaise. فتأملوا الشيخ حمود رحمة الله عليه était قوي في دينه ولا نزكي على الله أحد. Ces livres, tu sens quand tu lis de la quwwa et il détestait les kuffars. C'est pour ça qu'il a écrit ce livre et un autre livre sur l'interdiction de les ressembler. Il les détestait min qalbi. Et il a fait un djihad azim bi qalami contre ahl al-kufr et ahl al-bida'. Tous ces livres, c'est des redoutes. Tous ces livres, hein, dans le majmou' al-an, si tu viens à lire, la plupart de ces livres, c'est des redoutes. Al ahl al-bida' ou al-kuffar. Fahoua. قال ومثل السيد المستر le fait de dire mister en anglais ou monsieur في شيء من التعظيم pour lui. Dans certains cas celui qui il dit il n'y a pas de تعظيم إلى آخره c'est quelque chose d'autre لكن من باب التعظيم et بعض المسلمين vous avez déjà vu ils voient un kafir خاصة s'il a une certaine place dans l'administration إلى آخره il lui serre la main monsieur les sourires كأنه ما أدري il a devant toi là le bon comportement il n'a pas besoin d'exagérer et attention de ne pas minimiser ces choses. Et nabad al-nas, ils vont entendre hada, ils vont dire est-ce que tu dis dire monsieur c'est haram? On n'a jamais dit ça. Lakin préserve ton din. Est-ce que tu délaisses que le haram? Là, ferme les portes à beaucoup de choses. Nabad al-nas, ils vont dire monsieur, c'est pas grave. Thumma, ils vont dire maître, c'est pas grave, l'enfant il est petit. Thumma, l'école, c'est pas grave. Thumma. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, il y a des masa'ib. C'est pour ça que ba'd as-salaf يقولون ان الكبائر عند المنافقين و ومن تشبه بهم سكم دي الصغائر الكبائر دي شوز انورم سكم دي تو بيتي بيشي وعند الصالحين لي بيتي بيشي سكم دي كبائر لماذا لان الصالح المؤمن التقي que ça soit un petit péché ou un grand péché la désobéissance envers Allah. Si tu réfléchis que tu fasses un petit péché ou un grand péché t'as désobéi à Allah azza wa jalla عندهم la désobéissance à Allah c'est grave. Amma à notre époque كثيرون من الناس يزعمون ضعفيات. Ça revient à notre premier dors, les noms et les attributs. Et ils ne regardent plus la désobéissance, tu désobéis à qui là? Ils pensent qu'à eux. Bardonnez, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire l'enfant il dit mettre à l'école. Il est où le problème? Il y a un énorme problème là, tu es aveuglé. C'est pour ça que tu ne le vois pas. Faqat. قال وأشد الناس مخالفة لهذا الحديث أهل الإذاعات. الإذاعات, c'est le pluriel de إذاعة, c'est la radio. À son époque, Cheikh Hamoud, rahmatullah alayhi, c'était beaucoup propagé. La radio et la télévision. Tu le vois, هذا. Les présentateurs, ils ont de la mubalagha. À notre époque, كذلك, que ce soit les radios ou la télévision, n'importe quel auditeur qui appelle, que ce soit un kafir ou un musulman ou autre, il le adam. Maintenant, dans les radios arabes, même si un juif, un chrétien, il appelle, ba'adhum, ils ont un din da'if, min al-muslimin, et ils vont dire, ya sayyidana, kayf halak, et al-qab, alors que c'est peut-être un juif. Enfin, c'est ha'oula qui vise Cheikh Hamoud. Ha'oula la yambari, si c'est un kafir, on sait que c'est un kafir, on n'a pas besoin de dire, ya sayyidana. Si on a un lien avec lui, il y a quelque chose à faire, min al-umur al-mubaha, enfin, on fait ce qu'on a à faire, on n'a pas besoin de le gonfler, abadan. لماذا لأنه يميرد با الله سبحانه وتعالى les a rabaissés لماذا on va essayer de lever quelqu'un qu'Allah il a rabaissé. قال والسواء عندهم في ذلك الكبير والصغير والشريف والوضيع والذكر والأنثى بل الإناث هن المقدمات عندهم في المخاطبة بالسيادة وفي الكثير من الأمور خلافا لما شرعه الله من تأخيرهن. نعم أحيانا سي دي فام لا شك أن الله سبحانه وتعالى أمر النساء أن يقرن في بيوتهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى هكذا قال عز وجل وقرن أي الزمن أي vous devez rester chez vous. C'est ça le passe عند المرأة et elle sort bien sûr عند الحاجة quand il y a quelque chose à faire. أما هكذا elle est plus dehors que chez elle, ça c'est pas من صفات المؤمنات الصالحات. قال وبعض أهل الأمصار يسمون جميع نسائهم سيدات. Dans certains pays arabes, c'est répandu. Ils appellent toutes les femmes Sayyidat. Sayyida Fulan. Peut-être que c'est une mujrima. Peut-être que c'est une balima. Peut-être que c'est une kafira. Une juive, une chrétienne. Et ils disent Sayyida Fulan. Si c'est une kafira, on ne dit pas Sayyida. قال وسواء عندهم في ذلك المسلمة والكافرة والمنافقة والصالحة والطالحة ويلي أهل الإذاعات في شدة المخالفة. أي parmi ceux qui ils خالف beaucoup, ils n'appliquent pas la vérité via al-bab, les présentateurs radio, قال les hadiths بريدة رضي الله عنه أهل الجرائد والمجلات. نعم. كذلك les présentateurs télé, الجرائد c'est les magazines, les journaux, les journalistes. Les journalistes معروف, ils ont de la مبالغة. لماذا لأن leur travail leur impose هذا. Ils doivent dire certaines choses à certains, même s'ils le détestent. وهذا لا ينبغي. لا ينبغي. Si c'est un kafir, on n'a pas le droit. C'est pour ça que certains, travailler dans certains domaines, il faut éviter. Préserver son din, c'est un fondement. وَالسَّلَامَةُ لَا يُعْدِلُهَا الشَّيْءِ. Pardonnez, il demande souvent, est-ce que je peux travailler dans ça? Et quand tu lui dis, كَانَهُ, il prend dans son œuvre, il te dit, mais est-ce que c'est haram même là? Il y a des, certains domaines, tu ne peux pas dire c'est haram, et tu ne peux pas encourager. Les madali, ça peut pousser à du haram. Mais travailler comme journaliste, lâche, sans parler le fait d'être filmé, les photos, les mensonges, le fait de devoir parler à certaines personnes avec certains mots, tout ça ferme des portes. Alhamdulillah, bab al-rizq il est wasi', tu n'as pas besoin de ce domaine, en fait. قال لأنهم لا يرون بموالاة أعداء الله وموادتهم وتعظيمهم بأسا ولا يرون للحب في الله والبغض في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه قدرا وشأنا. صحيح. C'est quoi le problème de tout ça? أن ce fondement aimé pour Allah, détesté pour Allah, il n'a pas de valeur عندهم. Pourquoi il n'a pas de valeur عندهم? كثير من هؤلاء c'est l'ignorance. Et pourquoi aussi c'est les fréquentations. On vit un domaine, on vit dans un monde, l'âme plutôt, il y a une idée, et c'est du kufr, c'est on est tous égaux, on est tous des humains. Tu n'as pas le droit de critiquer l'autre, tu n'es pas mieux que l'autre. L'islam et le judaïsme et le christianisme, c'est tous, vous êtes tous des croyants, c'est tous des religions. Ça, c'est très très grave. نحن on a هذا الميزان الحب في الله والبغض في الله. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est au-dessus. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Celui qui choisit une autre religion que l'islam, il sera perdant. لماذا لأنه c'est de l'égarement. بقي المسألة وهي مهمة للي à notre cours. Et حقيقة ça s'est répandu جدا de nos jours هذا. قول البعض, ils appellent الكافر أخي. En français c'est beaucoup répandu. Frère, mon frère. Cheikh Ibn Uthaymeen سألوه عن هذا, le fait de dire أخي en arabe. Oh mon frère, بعضهم كذلك, ils ont des diminutifs et l'akhir et qu'on ne citera pas هنا. لكن ça tourne autour de هذا. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول يا أخي لغير المسلم فهذا حرام ولا يجوز. C'est interdit هذا. Le مسلم quand il parle il doit faire attention. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tout ce que tu dis, tout ce que tu prononces chaque mot, c'est enregistré. On ne doit pas prendre à la légère هذا. بعضنا يسيبخن على ليجر سو سوجي كما تقدم لينيورونس كما قال الشيخ حمود رحمه الله لا يرون بموالاة أعداء الله ومودتهم لفديمي pour Allah, détesté pour Allah, ça n'a plus de valeur. Ils n'en parlent jamais. Ils sont très très loin de هذا. Enfin, le fait de dire mon frère, ouais, il va te dire mais c'est qu'une parole. Cette parole, on aura des comptes à rendre. Le verset qu'on vient de citer, chaque mot que tu cites, c'est enregistré. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فهذا حرام لا يجوز. Pourquoi? قال إلا أن يكون أخا من النسب أو الرضاع. Si c'est ton frère, vraiment, ton frère de sang ou ton frère de lait, هذا يجوز, c'est un frère. قال وذلك لأنه إذا انتفت أخوة الدين لم يبقى إلا أخوة الدين. كأنه إذا انتفت plutôt أخوة, si c'est pas ton frère de sang ou c'est pas ton frère de lait, il reste qu'une أخوة. تستفيد من هذا, il y a trois أخوة, أي trois frères. Le frère de sang, le frère de lait et le frère de la religion. Si c'est pas ton frère de sang, c'est pas ton frère de lait, il reste ton frère dans le din. Si c'est pas ton frère dans le din, l'imam va lui dire ya akhi. هذا كلام شيخ ابن عثيمين. قال والكافر ليس اخا للمؤمن في دينه. Donc si c'est pas ton frère de sang, c'est pas ton frère de lait, c'est pas ton frère dans la religion, l'imam va lui dire mon frère. On doit faire attention de pas suivre les modes. Amma fi bilad al-kufr, chez les jeunes, c'est devenu une mauvaise habitude et on doit faire attention. Ça touche à هذا الباب. On doit leur montrer que هذا c'est pas permis. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما قوله صديق رفيق ونحوها فإن كانت كلمة عابرة يقصد بها نداء من جهل اسمه منهم فهذا لا بأس. أما le fait de dire صديقي mon ami, on peut traduire mon ami, هذا تقدم معنا أن المسلم il peut pas avoir comme ami des كفار. لا, il peut avoir des collègues de travail, il peut avoir certains contacts de la famille. Amma, un ami, l'ami s'est fondé sur l'amitié, l'amitié s'est fondée sur l'amour. Hada c'est haram. Lian al-mu'min, il ne peut pas aimer un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu le connais depuis que tu es petit, même si tu travailles avec lui, même si c'est ton voisin. Là, le bon comportement, c'est une chose. On ne dit pas qu'il faut mal se comporter. Abadan. Le bon comportement, c'est une chose. Lakin, le fait de le prendre comme ami ou comme frère, hada c'est haram. Baqiya, le fait de dire mon ami, comme a dit le Cheikh Al-Uthaymin, فإن كانت كلمة عابرة يقصد بها نداء من جاهل اسمه منهم فهذا لا بأس. حتى en français on le dit احيانا. Tu dis à واحد mon ami. Et c'est pas ton ami. Il y a un tas de ce que tu veux par هذا كما قال الشيخ ابن عثيمين, tu connais pas son nom مثلا. Tu connais pas son nom, tu connais pas son prénom et tu veux lui demander quelque chose, tu dis mon ami كذا. هذا لا بأس. هذا نعم. هذا يا il y a pas de mal. وإلا va le prendre comme ami. هذا c'est très très grave. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وإن قصد بها معناها توددا وتقربا منهم فقد قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. تأملوا كلام أهل العلم. كلام أهل العلم c'est fondé sur النور, sur des versets du Coran al-Karim. أما si dit mon ami et un tas tu le conseilles, c'est vraiment son ami, et بعضهم يقولون هذا il te dit mais c'est vraiment mon ami, fait tu le montres أن الله سبحانه وتعالى il a interdit هذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر, tu trouveras pas quelqu'un qui croit en Allah et au jour dernier. يودون من حد الله ورسوله. يودون ça vient de المودّة. المودّة ça ressemble à المحبة, أي aimer. Ton ami c'est ton frère musulman. Tu n'as pas trouvé un musulman qui est على الهدى, qui a un bon comportement, que tu peux prendre comme ami. إلا هذا الكافر ونعوذ بالله. Ça montre la gravité de vivre عند هؤلاء. لأن هذا ça arrive en général ceux qui vivent avec les kuffars. قال فكل كلمات التلطف التي يقصد بها المودة لا يجوز للمؤمن أن يخاطب بها أحدا من الكفار. Ça c'est une règle. أي chaque كلمة, chaque mot, chaque phrase qui peut élever ou comprendre que c'est une élévation au kafir ou de l'amour envers le kafir ou de lui donner de l'importance, هذا dans notre dîn c'est pas permis. لماذا لأن الله les a rabaissés. C'est des ennemis de l'islam et Allah il nous a ordonné de les détester. قال وكذلك الضحك إليهم لطلب المودة بينهم كما علمت من الآية الكريمة. كذلك plaisanter avec eux, prendre du bon temps avec eux, sortir avec eux, عياذا بالله, si c'est fondé sur المودة, l'amour, l'insan leur donne de la valeur, فهذا لا يجوز. Le bon comportement c'est une chose et sourire c'est une chose, لكن القصد, notre intention, bien sûr, c'est appliquer les textes, avoir un bon comportement et les appeler à notre dîn. Amma oublier notre dîn et se mélanger à eux, rire, sourire, manger, sortir, les prendre comme amis et iyadam billah sans penser à notre dîn. Enfin, au lieu que c'est nous qui les appellent, c'est eux qui nous appelleront. Même si ce n'est pas directement, avec leur façon de vivre et d'agir, tu seras touché. Et les kuffars, ils sont très très loin du dîn et ça touchera ce musulman qu'il est fréquent. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والثبات.